Quatrième partie. Chapitre 4. L'Eucharistie. Première section. La nature de l'Eucharistie et la présence réelle de Jésus-Christ dans ce sacrement. Qu'est-ce que le sacrement d'Eucharistie? L'Eucharistie est un sacrement qui, par l'admirable changement de toute la substance du pain au corps de Jésus-Christ et de celle du vin en son sang précieux, contient vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ notre Seigneur, sous les espèces du pain et du vin, pour être notre nourriture spirituelle. Y a-t-il dans l'Eucharistie le même Jésus-Christ qui est dans le ciel et qui est né de la très sainte Vierge sur cette terre? Oui, dans l'Eucharistie, il y a vraiment le même Jésus-Christ qui est dans le ciel et qui est né de la très sainte Vierge sur la terre. Pourquoi croyez-vous que dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus-Christ est vraiment présent? Je crois que dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus-Christ est vraiment présent, parce que lui-même l'a dit et que la Sainte Église me l'enseigne. Quelle est la matière du sacrement de l'Eucharistie? La matière du sacrement de l'Eucharistie est celle qui fut employée par Jésus-Christ, c'est-à-dire le pain de froment et le vin de la vigne. Quelle est la forme du sacrement de l'Eucharistie? La forme du sacrement de l'Eucharistie consiste dans les paroles employées par Jésus-Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Qu'est-ce donc que l'hostie avant la consécration? L'hostie avant la consécration, c'est du pain. Après la consécration, quelle hostie? Après la consécration, l'hostie est le vrai corps de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du pain. Dans le calice avant la consécration, qui y a-t-il? Dans le calice avant la consécration, il y a du vin avec quelques gouttes d'eau. Après la consécration, qui y a-t-il dans le calice? Après la consécration, dans le calice, il y a le vrai sang de notre Seigneur Jésus-Christ sous les espèces du vin. Quand se fait le changement du pain au corps et du vin au sang de Jésus-Christ? Le changement du pain au corps et du vin au sang de Jésus-Christ se fait au moment même où le prêtre, pendant la sainte messe, prononce les paroles de la consécration. Qu'est-ce que la consécration? La consécration est le renouvellement par le ministère du prêtre du miracle opéré par Jésus-Christ, changeant à la dernière scène le pain et le vin en son corps et en son sang adorable par ces mots: ceci est mon corps, ceci est mon sang. Comment l'Église appelle-t-elle le miraculeux changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ? Le miraculeux changement qui s'opère chaque jour sur nos autels est appelé par l'Église transsubstantiation. Qui a donné une telle puissance aux paroles de la consécration? C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu Tout-Puissant, qui a donné une telle puissance aux paroles de la consécration. Après la consécration, ne reste-t-il rien du pain et du vin? Après la consécration, il reste seulement les espèces du pain et du vin. Qu'appelle-t-on espèces du pain et du vin? On appelle espèce la quantité et les qualités sensibles du pain et du vin, comme la forme, la couleur, la saveur. comment les espèces du pain et du vin peuvent-elles rester sans leur substance ? Les espèces du pain et du vin restent merveilleusement sans leur substance, par la vertu du Dieu Tout-Puissant. Sous les espèces du pain, n'y a-t-il que le corps de Jésus-Christ ? Et sous les espèces du vin, n'y a-t-il que son sang ? Autant sous les espèces du pain que sous les espèces du vin, Jésus-Christ est vivant et tout entier dans son corps, son sang, son âme et sa divinité. Sauriez-vous me dire pourquoi Jésus-Christ est tout entier aussi bien dans l'hostie que dans le calice ? Jésus-Christ est tout entier aussi bien dans l'hostie que dans le calice, parce que, dans l'Eucharistie, il est vivant et immortel comme dans le ciel. Par conséquent, là où est son corps, il y a aussi son sang, son âme et sa divinité. Et là où est son sang, il y a aussi son corps, son âme et sa divinité. Car en Jésus-Christ, tout cela est inséparable. Quand Jésus-Christ est dans l'hostie, cesse-t-il d'être au ciel ? Quand Jésus-Christ est dans l'hostie, il ne cesse pas d'être au ciel, mais il se trouve en même temps au ciel et dans le très saint sacrement. Jésus-Christ se trouve-t-il dans toutes les hosties consacrées du monde ? Oui, Jésus-Christ se trouve dans toutes les hosties consacrées. Comment peut-il se faire que Jésus-Christ se trouve dans toutes les hosties consacrées ? Jésus-Christ se trouve dans toutes les hosties consacrées par la toute-puissance de Dieu à qui rien n'est impossible. Quand on divise l'hostie, divise-t-on le corps de Jésus-Christ ? Quand on divise l'hostie, on ne divise pas le corps de Jésus-Christ. On divise seulement les espèces du pain. Dans quelle partie de l'hostie reste le corps de Jésus-Christ ? Le corps de Jésus-Christ reste tout entier dans toutes les parties en lesquelles l'hostie a été divisée. Jésus-Christ est-il autant dans la parcelle d'une hostie que dans une grande hostie ? Dans une grande hostie comme dans la parcelle d'une hostie, c'est toujours le même Jésus-Christ. Pour quel motif conserve-t-on dans les églises la très sainte Eucharistie ? On conserve dans les églises la très sainte Eucharistie pour qu'elle soit adorée par les fidèles et portée aux malades quand ils en ont besoin. Doit-on adorer l'Eucharistie ? L'Eucharistie doit être adorée de tout le monde parce qu'elle contient vraiment, réellement et substantiellement notre Seigneur Jésus-Christ.